بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue les durus de fiqh, l'explication de Amdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. On est à Kitab al-Salah, c'est le deuxième dars dans le livre de la Salah, Bab al-Azan wal-Iqama, le chapitre de al-Azan, appelant la prière, et de al-Iqama. La définition de l'adhan. L'adhan, l'oratan, l'i'lam. L'adhan, au niveau de la langue arabe, c'est le fait d'informer. Informer de quoi? Alors, on regarde le ta'rif al-shar'i, la définition, la législation d'Allah. Wa shar'an al-i'lam au waqt al-salah, bi alfaz makhsoosa. C'est le fait d'informer de l'heure de la salat avec des mots, des paroles précises. Al-Shawkani l'a dit dans Nail al-Altar: wa huwa ma'a qillati alfadhihi mujtamilun ala masa'il al-haqa'id. Nail al-Altar, Mujad al-Awwal, safha 32. Il dit: malgré le fait qu'il comporte peu de mots, il implique toutes les questions de l'aqidah, les questions du dogme de la croyance. Effectivement, l'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, tout ça c'est du tawhid. La personne, lorsqu'il fait l'adhan, il faut qu'il sache que ce qu'il a, par exemple, ce que vous étudiez, quand vous étudiez le tawhid, voilà, c'est quand tu fais l'adhan, c'est ça que ça signifie. ولذلك نقول ولو علم الطاغيت وجهال المشركين معنى كلمات الاذان وانه يقتضي الكفر بهم والبراءه منهم ومن شركهم وافراد الله بالعباده والحكم والطاعه لمنعوه ولا حاربوا اهله كما فعله سلفهم بابراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام. Et si jamais les tawarites et les ignorants parmi les mushrikines, ils savaient vraiment ce que signifie ce adhan, ne serait-ce que le sens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et que cela implique la mécréance aux tawarites, le fait de se désavouer des tawarites et des mushrikines et de leur shirk, et le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration, par le jugement et par la législation, il aurait interdit ce adhan, même dans les pays arabes. C'est que les gens, ils savent plus la réalité de la ilaha illallah. Sinon, les tawarites, ils laisseraient même pas s'élever la ilaha illallah du haut de mahal, du haut de manab, du haut de al-manarat, pardon. Ils laisseraient même pas la ilaha illallah. Et on voit certains shayatim qui veulent l'interdire dans certains endroits. Alhamdulillah, comment ça s'appelle, ils l'ont pas interdit, mais les gens, ils sont tellement anesthésiés par l'irja, par le tajahum, la croyance du Murji'a, la croyance du Jahmiya, sont tellement anesthésiés par l'Imaniya, la malaïcité, qu'ils savent même pas que quand le Mu'adhin, il crie « Ashhadu an la ilaha illallah », en fait, il est en train de déclarer la mécréance du Tawhid, il est en train d'unifier Allah, subhanahu wa ta'ala, de dire qu'il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de légiférer, le seul digne d'être obéi, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple, et qu'on doit revenir à sa sharia dans toutes choses, etc., etc. Voilà, tout le monde est comme ça. Comme c'est un dars de fiqh, on ne va pas s'attarder sur ces considérations, mais essayer de relier entre l'ulum, essayer de relier entre les sciences. D'accord? Ce qu'on apprend en tawhid, voilà, ça sert aussi pour le fiqh, ce qu'on entend dans l'autre en fiqh, ça sert aussi pour le tawhid. Tout ça, c'est un ensemble, et c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sharia d'Allah. Ensuite, il dit, Bukudama, rahimahullah ta'ala, wahuma, yani l'adhan wa l'iqama, mashru'ani lissalawat al-khams, duna ghayriha, lirrijali, duna nisa. Et ce adhan et ce iqama, ils sont légiférés, il a utilisé ce terme, mashru'a. C'est-à-dire qu'ici, on ne sait pas ce qu'il signifie par mashru'a, on le sait. Dans notre livre, est-ce qu'il signifie obligatoire, wajib, fard ou mustahab? Est-ce que c'est une obligation individuelle? Est-ce que c'est une obligation collective? On va le voir. Il a utilisé le terme mashrou' dans le Coran. Wahuma mashrou'an les salawat al-khams. Et ils sont légiférés sur la terre d'Iqama pour les cinq salats. Duna en dehors. Et pas pour les autres salats. C'est-à-dire, on ne fait pas l'adhan pour salat al-Eid. C'est une bid'a. On ne fait pas l'adhan pour salat al-Janaza. On ne fait pas l'adhan pour salat al-Kusuf. La salat en cas d'éclipse. Etc., etc. L'istisqa. Et ensuite, il dit, l'irrijal idun il-nisa. Il est légiféré pour l'homme et non pour la femme. On va développer ces points-là, Inch'Allah. Dans l'explication de l'Umdat al-Fiqh, l'Udda, Cheikh al-Umda, il ne détaille pas le hukm, le jugement de l'Adhan. Ibn Qudama, il le détaille dans ses autres livres, particulièrement Al-Kafi, lorsqu'il dit, Rahimahullah, الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها وهو فرض الكفاية وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة فلم يجز تعطيله كالجهاد فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله في الكافي صفحة 68 من قدامى يجي Al-Adhan, il est légiféré pour les cinq salats. Et il fait partie de furud al-kifayat, les obligations collectives. Les obligations al-furud al-wajibat sont de deux sortes. Furud al-a'yan et furud al-kifayat. Les obligations individuelles, c'est-à-dire c'est obligatoire pour chaque individu parmi nous, comme la salat, hein. Ou furud al-kifayat. Fard al-kifayat, c'est l'obligation collective. Idha qama bihi al-ba'd, si une partie de la communauté s'en acquitte, hein, l'autre communauté n'est plus dans le péché. Mais إذا تركه ولكن إذا تركه الأمة أثمت أجمعين أثمت كل الأمة. Si jamais toute la communauté délaisse cette obligation, toute la communauté est pécheresse. D'accord? Donc c'est fard kifaya. Il dit car cela fait partie des pratiques de l'islam apparentes. Et il n'est pas permis de le délaisser complètement, comme le djihad. Il compare l'adhan ici à le djihad. Parce que le djihad, effectivement, le jugement de base pour la grande majorité des ulama, c'est qu'il est fard kifaya. Il est une obligation collective. Si une partie de la communauté s'en acquitte, l'autre partie n'est plus dans le péché. Sauf si cela ne suffit pas, comme l'ont dit les ulama, pour défendre un fourreau, hein, pour défendre les territoires, c'est-à-dire les frontières de l'État islamique, je veux dire alors, à notre époque, en quasi-absence d'État islamique, et en absence de calife. Et ensuite, il dit une chose très importante, il dit, فَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِ قُوتِلُوا عَلَيْهِ Ibn Qudama, il dit, rahimahullah, si des gens d'un pays se mettre d'accord pour le délaisser l'adhan, ils doivent être combattus. C'est une question importante qui a été traitée par les ulama de tous les madhhabs à ma connaissance. C'est si jamais un groupe de personnes, une ta'ifa, un village, que sais-je, une ville, s'abstiennent de pratiquer certaines des législations de l'islam, comme l'adhan par exemple. Ils doivent être combattus. C'est-à-dire que l'imam leur envoie, l'émir leur envoie une lettre, ou leur envoie un envoyé leur disant, vous devez faire l'adhan. S'ils refusent de faire l'adhan, ils doivent être combattus. Et ça vaut même pour les madhhabs qui considèrent que l'adhan est sunnah. C'est-à-dire, ils doivent être combattus même pour l'application de la sunnah. D'accord? وَهَذِي الطَّائِفَ الْمُمْتَنِعَا إِنْ امْتَنَعَتْ وَقَاتَلَتَ الْإِمَامِ كَفَرَتْ. Et ce groupe-là, s'ils s'abstiennent de pratiquer une législation de l'islam, que dira alors de, par exemple, le fait de ne plus appliquer la charia, de manière générale, comme ça se fait dans notre époque, ou pire de commettre le shirk, comme l'adoration des temples, ou d'autres, une autre forme du shirk, d'annuler complètement la charia, ces gens-là, ils doivent être combattus et ils deviennent mécréants. Et la preuve de cela, c'est l'ijma' al-sahaba, l'unanimité des sahaba qui ont combattu ceux qui se sont abstenus de donner la zakat. Et je vous renvoie sur cette question-là, peut-être on la détaillera plus, inshallah. C'est dans le fatwa de Cheikh l'Islam Taymiyyah, c'est détaillé dans le fatwa des Tatars, dans le 6e chapitre de Kitab al-Tawhid, avec les commentaires, bien sûr, dans les commentaires de Kitab al-Tawhid, Tafsir Aziz Hamid et Fath al-Mudin, l'essentiel. Et il dit ensuite, si une personne fait l'adhan dans un endroit, dans une ville, dans un village, les autres n'ont plus cette obligation, ne sont plus concernés par cette obligation. Ça, c'est dans le Kafir, la page 68. C'est bon, vous avez compris? Donc, c'est une obligation collective. Il faut qu'une personne le fasse. Le meilleur exemple d'obligation collective, c'est par exemple le lavage du mort. Si un mort musulman meurt dans un endroit, il faut que les musulmans, il devient obligatoire de le laver ce mort. Ils ne peuvent pas le laisser comme ça. Si une personne vient et le lave, c'est bon. Les musulmans, ils sont exempts de ce péché. Et si jamais personne ne le lave, ils sont tous dans le péché. Que se passe-t-il si jamais, la personne prie sans azan et sans iqama? Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, dans le Mughni, وَإِنْ صَلَّ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا قَالَا دخلنا على عبد الله يعني ابن مسعود فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة رواه الأثرم ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء وقال ومن نسي الإقامة يعيد والأوزعي قال مرة يعيد ما دام في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه وهذا شذوذ والصحيح قول الجمهور المغني في المجلد الأول صفحة 24 و 500 Si le prieur prie sans azan ni iqama, sa salat est valide. Elle est bonne. D'accord? Et il se base sur un dalil, c'est sur un qawl sahabi. Comme quoi, Al-Qama wal-Aswad, ils sont rentrés chez Abdallah ibn Mas'ud, parmi les plus grands compagnons du prophète, Abdallah ibn les plus savants après les quatre califes, si ce n'est le plus savant après les quatre califes, et il a prié sans azan ni iqama. Ça, c'est rapporté par l'Asram. Et il dit, Ibn Qudama, rahimahullah, et je ne connais pas de salaf qui se soit opposé à cela. Je ne connais pas même de savant qui soit opposé à cela. C'est-à-dire, c'est une sorte de ijma. Mais après, il dit, sauf Ata, qui fait partie des tabi'in, qui a dit, celui qui oublie l'Iqama, qu'il refasse sa salat. Al-Awza'i a dit, celui qui oublie l'Iqama, qu'il refasse sa salat, s'il est encore dans l'heure. C'est-à-dire, s'il a fait le dhuhr sans Iqama, et que l'Asr n'est pas rentré, il doit refaire sa salat. Mais Ibn Qudama, il dit après, il dit, وَهَدِهِ شُذُوذ, ce sont des avis minoritaires, hein, et, marginaux, on va dire un peu. D'accord? وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. Et l'avis authentique, c'est l'avis de la majorité. Parmi ceux qui défendent, de manière très appuyée, l'obligation de l'adhan, il y a Ibn Hazm, rahimahullah, dans le Muhalla. Ceux qui continueront, qui ont l'occasion, qui lisent, inshallah, ce qu'il dit dans le Muhammad. Qalim al-Qudam, rahimahullah. On cite les masa'il qui sont pas d'armes d'atelfiq. On prend dans notre livre, le Mourni et le Kafi. Qalim al-Qudam, wa la sihu al-adhan illa min muslimin aqilin dhakar. Fa'amma al-kafir wa al-majnoun, fa la sihu minhuma, l'annahuma laysa min ahl al-ibadat. Wa la yu'taddu bi adhan al-mar'a. لأنها ليست ممن يشرع له الآذان فأشبهت المجنون ولا الخنثى لأنه لا يعلم كونه رجلا وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا في المغني المجلد الأول صفحة 19 و500 يقول ابن قدامة رحمه الله الآذان n'est valable que pour un مسلم doué de raison et mal. Il faut qu'il ait ces trois conditions, qu'il soit مسلم عاقل doué de raison, ça n'est pas fou, et mal, d'accord. Ce sont des conditions. D'accord? Vous avez ici trois conditions. L'islam, l'aql, al-dhukuriyya. L'islam, première condition, si vous voulez. L'aql, la raison. Deuxième condition. Troisième, ajouter une autre. Le fait que ça soit un homme. Et non une femme. Et il dit, on résume sa parole, et à la fin il dit, voilà, na'lamu fihi khilafan. Nous ne connaissons pas de divergence en cela. Ça c'est dans le Mughni. C'est une manière pour Ibn Qudama de citer l'ijma' de manière, entre guillemets, polie et prudente. C'est-à-dire de ne pas dire, il y a ijma' sur la question, mais par modestie, il dit, voilà, na'lamu fihi khilafan. Je ne connais pas de divergence en cela. Donc, ça a été conseillé par l'imam Ahmed de dire ça. Pour ne pas, dans certains cas, des fois, on dit, ijma', en fait, il n'y a pas ijma'. Donc, il préfère dire, voilà, na'lamu fihi khilafan. On ne connaît pas de divergence en cela. Par prudence, quoi. Pas attribuer quelque chose à l'unanimité qui n'en est pas lui. Mais c'est ça que ça veut dire à la fin. D'accord? Vous pouvez être quasiment sûr que nous prenons en dessous de ça et ijma sur la question. Ibn Hazm, sur la dernière question, c'est-à-dire la question de la femme, il dit, rahimahullah, wala azana ala nisa, wala iqama. فَإِنْ أَذَنَّ وَأَقَمْنَ فَحَسَنَ Ibn Hazm dit par contre, il dit, il n'y a pas de azan ni de iqama obligatoire pour les femmes. Mais si la femme fait l'azan et si elle fait l'iqama, c'est une bonne chose. Pourquoi il dit ça? On va le voir. Ça c'est un sien entre femmes. وَبُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَذَانِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ بقوله عليه السلام فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Ibn Hazm dit pourquoi, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'adhan, il a ordonné à ceux à qui il a rendu obligatoire la prière en groupe. Lorsqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit que l'un d'entre vous fasse l'adhan et que le plus vieux d'entre vous soit votre imam. Le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, traduit. Voyez? Ibn Hazm se base sur ce genre de hadith pour établir l'obligation de l'adhan. Dès qu'on est en groupe, il dit c'est obligatoire de faire l'adhan. C'est sunnah de faire l'adhan. Et c'est un fard kifaya si on est dans un pays, par exemple. Voyez ce que je veux dire? Et là, on doit prendre ce hadith. C'est vrai qu'il y a l'obligation. On doit prendre ce hadith et le comprendre à la compréhension de qui? Des sahaba, des salaf. On voit qu'Abdullah ibn Mas'ud, comme ça a été cité par Ibn Qudama dans le Mughni, il ne voyait pas l'obligation. Il dit, وَلَيْسَ النِّسَاءُ مِمَّنْ أُمِرْنَ بِذَلِكَ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَحَّ فَالْأَذَانُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَلِقَامَةُ كَذَلِكَ فَهُمَا فِي وَقْتِهِمَا فِعْلٌ حَسَنٌ. Il dit, mais malgré cela, donc de ce hadith, on peut dire que les femmes n'ont pas été ordonnées de cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ordre pour elles de prier en groupe. Par contre, c'est vrai que c'est une bonne chose pour la femme de prier en groupe. Ensuite, elle dit, comme il l'a établi Ibn Qayyim, par exemple, on détaillera peut-être, Inch'Allah, dans le chapitre de la prière en groupe et de l'imam, Inch'Allah. Il dit, mais il est établi que l'adhan est un rappel d'Allah, ta'ala, et l'iqama de même. Et tout cela est une bonne chose. Je veux dire par là, c'est une bonne chose que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Ensuite, il ramène plus, il dit, وروينا عن ابن جريج عن عطاء تقيم المرأة لنفسها وقال طاووس كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم في المحلى المجلد الثاني صفحة 69 و 100. Et il rapporte quelque chose qui est extrêmement fort ici. C'est quoi? Donc طاووس qui est un tabi'i a dit que عائشة رضي الله عنها faisait l'adhan et faisait l'iqama parce qu'elle faisait la prière avec les femmes. Et il est rapporté aussi qu'elle, lorsqu'elle priait entre femmes avec Aïcha, كانت تقوم في وسطهن. Elle faisait la salat au milieu d'elle, c'est-à-dire pas en avant. Elle se mettait au milieu. Et ça, c'est une faïda de Muhalla, volume 2, la page 69. Il continue, Ibn Qudama, il dit, rahimallah, والأذان خمس عشر كلمات. لا ترجيع فيه والإقامة 11. Ce qu'on vient de dire, bien sûr, vous avez compris, je reviens un peu en arrière. Ce qu'on vient de dire, vous avez compris que c'est valable pour l'adhan entre les femmes. On n'est pas en train d'établir, on est là, le fait qu'il soit légitime pour une femme de faire l'adhan, par exemple, sur pour les hommes, dans un pays, ou quoi que ce soit, ça, je le précise, mais ça n'a même pas besoin de. Il y a aussi un autre point, vous avez noté trois conditions de l'adhan, n'est-ce pas? L'islam, l'islam, la raison, et le fait d'être un homme. Et on peut en citer trois autres, ça vous pouvez les connaître comme ça. يكون الأذان في وقت الصلاة كاتريام يفوق الأذان سواء لحظة الصلاة يفوق الأذان سواء لحظة الصلاة صدق با avant on va y venir inshallah on va y venir et si on résume c'est intéressant il l'a pas fait ici beaucoup d'âme dans l'âme de Telfiq dans certains chapitres ici c'est intéressant et c'est plus facile d'étudier le fiqh de cette manière là en disant par exemple les conditions de l'Adhan sont au nombre de 6 et ensuite tu les apprends comme ça 6 hein الإسلام والعقل الذكورية أن يكون الأذان في وقت الصلاة خامسا أن يكون الأذان مرتبا مرتبا متواليا كاتريام كل أذان سواء لحظة الصلاة السنكيام كل أذان سواء في دان لحظة سواء في دان لحظة سادسا أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية Sixièmement, que l'adhan et l'iqama soient en langue arabe. Contrairement à ce qu'a voulu faire le tarout, al-mujrim al-kafir, nasal Allah yal'anahu, wa yu'adzibahu fi qabrih, thumma fi nari jahannama khalidan fiha, wa huwa Ataturk Mustafa Kemal, la'anatullah alayhi. Le maudit Mustafa Ataturk, Kamal, al-Masouni, al-Yahoudi, il avait essayé de remplacer l'adhan, enfin, de faire l'adhan en langue turque. Parce qu'il a pris le pouvoir en Turquie. Vous avez les 6 conditions, c'est bon? Quand vous les retenir, c'est le moment de. Alors, j'étudie le Qudama, rahimahullah. Ici, on décrit l'adhan. L'adhan comporte 15 paroles. لا ترجيع فيه والله واسكو سي الترجيع انا راح على السيت ان شاء الله والاقامه 11 الاقامه سي 11 فهم ليش خاص مضبوط وصيت الحديث عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربي قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس يحمله قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع بي قال قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك فقلت بلى قال تقول voilà, je vous traduis d'abord le début du hadith. Il cite le isnad et il dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut l'intention d'appeler à la salat avec une cloche. Au début, il ne savait pas comment appeler à la salat, il avait l'intention de faire une cloche. Mais il détestait cela, car ça ressemblait aux chrétiens. Il dit, j'ai vu dans le sommeil un rêve. D'accord? Une personne est venue et il portait 2 habits verts. Et il portait dans sa main une cloche. Je lui dis, oh Abdallah, vends-moi cette cloche, dans le rêve. Et il dit, que vas-tu faire avec? Il dit, je vais appeler les gens à la salade. La personne lui dit, je vais te montrer quelque chose qui est mieux que cela. Et il lui dit, قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah. Nedir o senin? El azan. ثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة et ensuite il s'est éloigné un peu il lui a dit et lorsque tu vas faire l'iqama dis il lui a enseigné l'iqama Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu Akbar Allahu Akbar لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة قال فجاءه فدعاه ذات غداء إلى الفجر فقيل له يا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر رواه الإمامان أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. La fin du hadith, c'est quoi? Lorsque je me suis levé, je suis allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai raconté mon rêve. Et je lui ai dit, et il m'a dit, ceci est un rêve de vérité. C'est une vision de vérité. Inch'Allah, et il a ordonné de faire l'adhan comme cela. Et il a ordonné à Bilal, l'esclave affranchi d'Abu Bakr, de faire l'adhan comme cela. Dans certaines versions, il lui a dit, car il a une voix plus forte que la tienne. Il a une voix plus forte que la tienne, ou plus belle que la tienne. D'accord? Et il dit, et un jour, dans une version du hadith, il dit un jour, un matin au Fajr, on a dit à Bilal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dort. Il a alors crié, avec sa voix la plus forte, As-salatu khayrun min an-nawm. La prière est mieux que le sommeil. La prière est mieux que le sommeil. Ça, il nous a dit, et cette parole a été rentrée, ou a été inclue dans le adhan du Fajr. Oui. Donc ce hadith, il y a de nombreux enseignements, comme ça, pour résumer, comme expliqué en notre fiqh, on ne va pas détailler tous les enseignements, nombreux enseignements, la valeur de ru'ya dans l'islam, la valeur du rêve dans l'islam, du rêve de vérité, particulièrement, vous le savez, à la fin des temps, à la fin des temps, le rêve aura une grande importance. Hein? Et le rêve du croyant ne mentira pas. Il a été écrit. Il est écrit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il en peut-être dans un autre. L'essentiel, là, on a l'adhan. Il continue, Ibn Qudama, il dit, rahimahullah ta'ala, « وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ أَمِينًا صَيِّتًا عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ » Et il convient que le mu'addin ait trois caractéristiques. Ici, trois, il va en citer d'autres. Hein. Et les caractéristiques suivantes, on va dire. Qu'il soit amin, digne de confiance. Car on lui fait confiance. Il informe quoi? Il informe de l'entrée de l'heure de la salat. Donc il faut qu'il soit réellement digne de confiance. Sayyita. C'est quoi surveiller? Qu'il ait une voix forte. Qu'il ait une voix forte ou belle. Comme il est dans le hadith de Tirmidhi, rahmatullah ta'ala, alqihi ala bilal, fa'innahu anda sawtan mink. C'est ce qu'on a cité, c'est une version du hadith, lorsqu'il a reçu ce rêve de l'adhan, lorsqu'il a eu ce rêve de l'adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, enseigne-le à bilal, car il a une voix plus forte que la tienne, ou plus belle que la tienne. عالمًا بالأوقات. Il doit connaître bien sûr les heures de la salat. Donc comment doit-il faire l'adhan à l'heure? Ensuite il cite d'autres. Il cite ويستحب ويؤذن قائما. Et il est préférable qu'il fasse l'adhan debout. Debout. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما في المغني في المجلد الأول صفحة 33 و 500. Ibn Munzir, rahimahullah, il a cité l'Ijma' sur cette question-là. Les ulama, les gens de science sont unanimes. Tous ceux que nous souvenons des gens de science sont unanimes pour dire que la sunna est de faire l'azan double. Et non, assis. C'est rapporté dans le Mourni, le ulama est à 63. Et ensuite, ici d'autres caractéristiques. Mutatahira, qu'il soit en état de pureté. C'est-à-dire qu'il est fait l'oubli. Si vous voulez, on les récapitulera en les numérotant après, ces caractéristiques. Ce sont des caractéristiques qui sont mustahabba, les mustahabbat al-adhan. Les mustahabbat al-adhan, les mandubat al-adhan. Mutatahira, qu'il soit pur. Il y a un hadith sur cette question-là. La yu'addin illa mutawaddi. Il est rapporté par Tirmidhi, mais il est da'if, c'est-à-dire, il est da'if de l'attribuer au prophète. Ou da'if marfou'an, sahih mawqufan, ala Abi Hurayrata radiallahu anhu. Ça veut dire, il est da'if de l'attribuer au prophète, ça c'est même ce qui est authentique, c'est que c'est une parole de Abu Huraira radiallahu anhu, dans Tirmidhi, que ne fasse le adhan qu'une personne qui a un wudu. Que ne fasse le adhan qu'une personne qui a un wudu. على موضع عال. Il faut qu'il soit à un endroit élevé. Un endroit élevé. لأنه أبلغ في الإعلام. وقد روي أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة. Il est dit dans العدة شرح العدة à la page 60. Il faut que le مؤذن, il est préférable que le مؤذن, ça que ça signifie, يستحب أن يكون على موضع عال. Il faut qu'il soit dans un, sur un endroit éloigné. Car par cela, sa voix atteindra plus de monde possible. Sur un endroit élevé, pas éloigné. Voilà, et il est rapporté que Bilal faisait l'adhan sur le toit de la maison d'une femme. À l'époque du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici nous avons déjà de nombreuses mustahabbat, de nombreuses sunan, de nombreuses pratiques recommandées dans l'adhan. Il dit ensuite, je vais citer la parole de Qudama, sachant que le hadith sur lequel se base certains ulama est da'if. D'accord? Ce hadith est da'if. Il a été da'af par l'imam Ahmad rahimahullah, allahu l'imam Ahmad. Il dit, إذا بلغ الهيعلة الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه وجع أصبعيه في أذنيه. Lorsqu'il atteint الحيعلة, le fait de dire حيعلة الصلاة, ils disent, ils se tournent vers la droite, حيعلة الصلاة, حيعلة الصلاة, et vers la gauche, lorsqu'il dit حيعلة الفلاح, حي على الفلاح ولا يزيل قدميه. Et il ne bouge pas ses pieds. C'est important. Parce que même ceux qui disent, qui affirment cela, qui authentifient le hadith, on va dire, ils disent, ils tournent juste la tête. Ni le corps, et encore moins les pieds. D'accord? ويجعل أصبعيه في أذنيه. Et il met ses deux doigts dans les oreilles. Tout cela, c'est basé sur un hadith. عن أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن يدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه أخرجه الترمذي. قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم في الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. الترمذي رحمه الله on l'a dit ce hadith, il y a une divergence sur l'authenticité ou sur la faiblesse de ce hadith. الترمذي il semble qu'il l'authentifie aussi, puisqu'il dit les Hassan Sahih. Il y a débat sur le fait de savoir est-ce que ça signifie exactement lorsqu'il dit Hassan Sahih, Hassan Gharib, Hassan, etc., etc. Il dit, ce hadith, pardon, le hadith, il dit, Juhayf, elle a dit, j'ai vu Bilal faire l'azan, et il tournait, d'accord, et je suivais son visage, sa bouche, ici, à droite, et ici, à gauche, d'accord. Il tournait en disant, Hayya ala salah, Hayya ala salah. Et il avait ses deux doigts dans ses oreilles. Il avait ses doigts dans ses oreilles. Et Tirmidhi, ta'ala, il dit, ce hadith est hasan sahih. Et c'est ainsi, et il est pratiqué, et ce hadith est pratiqué par les gens de science. Il rend préférable le fait que le mu'addin mette ses deux doigts dans ses oreilles, dans l'adhan. D'accord? Et certains gens de science ont dit, il fait cela dans l'iqama. Il fait cela pendant l'iqama. C'est rapporté de l'Awda'i. Je vous dis, cet avis est faible. Déjà, dans l'adhan, certains considèrent que c'est pas légiféré, comme on l'a entendu de certains chouïours. Et, que ce n'est pas légiféré à cause de la faiblesse du hadith. On voit ici que l'imam Tirmidhi, rahimahullah, wa huwa imam, al-jabal, fi al-hadith, al-fiqh. Il affirme cela, de même l'imam Ibn Qudamah, rahimahullah, et de nombreux. Et il continue, Ibn Qudamah, il dit, rahimahullah, ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة ويحضر pardon الإقامة ويحضر الإقامة ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة يترسل أي يتمهل ويتأنى ويحضر أي يسرع الإقامة يجيب ابن قدامة. Il est préférable de faire un tarassul pendant l'azan, c'est-à-dire de le faire doucement. Yata'anna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est la sunna. Alors que l'iqama, qu'est-ce qu'il fait? Yusri'a. Il se dépêche. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'ala salah. Donc la sunna, c'est ça. C'est de faire l'azan de manière doucement. De manière lente, on va dire. Et de faire l'iqama de manière rapide. Ça, c'est basé sur un hadith da'if. C'est basé sur un hadith da'if. Rapporté par At-Tirmidhi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا قمت فاحضر. رواه At-Tirmidhi وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم صاحب السقاء وهو إسناد مجهول. وهو إسناد مجهول. At-Tirmidhi l'a rapporté ce hadith de Jabir que le prophète aurait dit à Bilal, oh Bilal, si tu fais l'adhan, fatarassal, fais-le doucement. Et si tu fais l'iqama, fais-le vite, ce qu'on vient de dire. Et Tirmidhi, juste après ce hadith, il dit, nous ne connaissons ce hadith que rapporté par une personne qui s'appelle Abdul Mun'im. Il dit, c'est un isnad majhoul, c'est une chaîne de transmission inconnue. Inconnue. Oh, life. Mais les ulémas, ils ont établi cela, malgré le fait qu'ils ont cité que c'était daif. Ils ont établi ce hukum. On peut le comprendre peut-être d'autres preuves, Allahu a'lam. Comme il l'a fait Ibn Muflih, dans le Mubdi' al-Sharh al-Muqni'. Il a dit, il a donné un dalil entre guillemets aqli. Il dit, ولأنه, يعني الأذان, إعلام الغائبين. فالتثبت فيه أبلغ. والإقامة إعلام الحاضرين. فلا حاجة إليه فيها. يسن آذانه أول الوقت وأن يقف على كل جملة يغبطش فائدة جلست قال إبراهيم النخعي قال شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما الآذان والإقامة وهذا في المبدع شرط المقنع المجرد الأول 19 وثلاث مقنع. Il rapporte Ibn Muflih, parmi les savants de Hanabila, il dit, dans son explication, le Muqni' il dit, première chose, le fait qu'on fasse l'adhan doucement, pourquoi? Parce que c'est d'informer des gens qui sont absents, qui sont loin. Donc on le fait doucement, pour que les gens, ils prennent le temps d'apprendre l'adhan, d'entendre l'adhan, de venir à la salat. Quant à l'iqama, c'est pour les gens qui sont présents, dans la mosquée. Donc, le fait de le faire vite et de se lever à la salat, c'est une compréhension, on va dire, c'est aql, c'est rationnel. Ensuite, il dit quelque chose d'important, il cite de l'imam Ibrahim al-Nakhai, qui est l'élève d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est-à-dire c'est un tabi, comme quoi il disait, il y a deux choses qui sont majzouma. Majzouma, ça veut dire qu'on ne prononce pas la fin du mot. D'accord? Muhammad, c'est majzoum. Muhammadun, c'est mu'arrab. Vous avez compris? Lorsqu'on dit Allahu Akbar, en arabe, en fait, on dit Allahu Akbaru, Allahu Akbaru. Hein? La ilaha ashhadu an la ilaha illallahu. D'accord? Mais dans l'adhan, Ibrahim al-Nakhai, il a dit, il le prononçait, les salafs, de manière majzoum. C'est-à-dire, il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vous avez compris cette question-là? C'est dans le mot des achats. ويقول في آذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرة رواه أبو داود رواه أبو داود il dit le muadhin lors de l'adhan du subh lors de l'adhan du subh après avoir dit حي على الصلاة حي على الفلاح qu'est-ce qu'elle dit الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم la prière est mieux que le sommeil. Ça s'est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. On a cité la version de la partie midi, si je me souviens bien aussi. Non, mais ça s'est rapporté par Abu Daoud, c'est le hadith numéro 500. Il y a une divergence dans quel adhan? Vous savez qu'il y a deux adhan du subh. Deux adhan du subh. On va le voir, inshallah. Dans quel adhan on doit dire As-salatu khayrun min an-nawm? Hein? Je vous épargne une grande divergence. Les savants du Najd, rahimahumullah, quand c'est venu dans le Dora al-Sani, le volume 4, à la page 207, 208, voit que c'est dans le premier adhan. Le plus convaincant, c'est de le dire dans le premier adhan. Si on le dit dans le deuxième adhan, la haraj, inshallah. Parce qu'il n'y a pas de preuve vraiment claire de savoir si dans le premier adhan ou le deuxième adhan. Allah, a'lam. Amma al-tathwibu fi ghayri adhan al-fajr, fa bid'atun. An mujahid qala kuntu ma'a ibn Umar, fa thawwaba rajulun fi al-dhuhri wal-asr, aw al-asr, qala ukhruj bina, fa innaha bihi bid'a, akhraja Abu Daoud. Comme quoi mujahid, le fait de dire As-salatu khayrun min an-nawm dans une autre que salat que la salat du Fajr est une bid'a, une innovation. Et Mujahid rapporte qu'il était avec Ibn Umar radiyallahu anhu et qu'une personne a fait tathwib, il a dit As-salatu khayrun min an-nawm, il ne se souvient plus si c'était à la salat du Dhuhr ou à la salat de l'Asr. Quand Ibn Umar il a entendu ça, il est sorti de la mosquée, il a dit sort de cette mosquée car ceci est une bid'a. Et c'est rapporté par Abu Daoud, le numéro 538. Dans une autre version, il rapporte le ulama akhrajat mal bid'a. La bid'a nous a fait sortir de cette mosquée. On l'a dit. Le salaf ne transigeait pas. Ni sur le shirk, ni sur la bid'a, ni sur le dhunub, ni sur les péchés. Il reste une autre bid'a, enfin deux autres bid'a. Puisqu'on les cite. Donc, on a cité la première bid'a, c'est le fait de dire As-salat khayrun min an-nawm dans un autre adhan que l'adhan du Fajr. On est d'accord? La deuxième bid'a, قال الشيخ عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله الذي يقول في الاذان حي على خير العمل ينكر عليه ويعلم ان هذا من مبتدعة الرافضة. الدرر السنين المجلد الرابع صفحة 200. Le Cheikh Abdallah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a dit, rahimahumullah, il a dit, le fait de dire dans l'adhan, hayy ala khayr al-amal, dans certains adhan, et dans certains pays, où le chiisme, dans le pays maintenant, ils le disent en Iran, ou dans certains coins du Yémen, là où les élites ont le pouvoir, ils rajoutent dans l'adhan, hayy ala khayr al-amal. C'est une innovation chiite. Et il dit, le Cheikh Abdallah, il dit, celui qui dit cela, dans l'adhan, On doit le lui reprocher, on doit lui faire l'inkar, dire que cela est mal. Et on lui enseigne que cela fait partie des innovations des Rafida, des chiites. Ça, c'est d'abord enseigné le 24, la page 206. C'est une autre bid'a. Une dernière bid'a, extrêmement répandue, celle-là, le fait de chanter al-adhan est une innovation. Al-adhan, c'est pas une chanson. وعن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضباعي عن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول لرجل إني لأبغضك في الله إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه إنه يتغنى في آذانه ويأخذ عليه أجرا وهذا في المحلى المجلد الثاني صفحة 83 و100 وسي دونك دا مصنف في الدكتور عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله عبد الرزاق كان الشيوخ ديال الامام احمد يدي كي رابورت avec son isnad pourquoi يحيى البكاء il a vu عبد الله بن عمر le fils de عمر بن الخطاب il a dit à une personne اسمعوا هذا il a dit à une personne اني ابغضك في الله je te déteste en Allah c'est dur quand même tu vois. Ensuite, il s'est tourné vers ses compagnons et leur a dit, celui-là, il chante pendant son adhan et il prend un salaire pour lui. Il le paye pour faire l'adhan et il chante pendant son adhan. Pour ces deux choses, il lui a dit quoi? Je te déteste à Allah. Voilà, parce que ces deux choses, l'un est une bid'a, l'autre est haram. L'autre est haram. Donc, il est une bid'a de chanter pendant l'adhan. Je vais pas vous faire une imitation maintenant, là, mais vous voyez ce que je veux parler, hein. Il chante pendant l'adhan, il rajoute des, moudoud, il rajoute des mots, il rajoute des, je dis pas, il veut pas vous chanter encore une fois. Le mot, il doit être, okay. On peut embellir la voix, mais sans chanter. D'accord? L'adhan sunna, c'est à peu près cela. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Il n'y a pas de chanson. Les Arabes, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient كانوا عرب أقحاح, ils ne chantaient pas l'adhan. D'accord? Chanter l'adhan, c'est une bid'a, visiblement, qui a été introduite comme beaucoup de bid'a par l'a'ajim, les non-arabes, de même chanter le Coran. Il y a une différence entre الترتيل, la récitation du Coran qui est sunnah, le tajwid, sans relou non plus, et puis le fait de chanter le Coran. Certains lecteurs chantent le Coran. Certains lecteurs, pour voir, les cassettes qui se vendent, chantent le Coran. Ils ne disent pas le Coran selon la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'était détesté par les salafs. Ça, c'était détesté par les salafs d'eux-mêmes, comme le fait de chanter al-adhan. Alors je sais qu'on va choquer, certaines âmes sensibles, hein, qui aiment bien les beaux adhans artistiques et les lectures du Coran, pareil, un peu musicales ou quoi que ce soit, mais ça n'est pas la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont pas les pratiques des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de nos salafs. Je vous lis des choses, ça n'a pas vraiment à voir, mais je vous lis cette chose parce qu'elle me tient à cœur. Cette question-là. Ibn Qutayba, rahimallah, il disait, parmi les salafs, il disait, كان, قد كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم دون تكلف. ثم خلف من بعدهم قوم من أهل الأمصار وأبناء الأعاجم. فهفوا وضلوا وضلوا. وأما ما اقتضته طبيعة القارئ من غير تكلف, فهو الذي كان السلف يفعلونه. Les gens lisaient le Coran avec leur langue, sans en rajouter. Et ensuite sont venus des gens parmi des pays, les gens des pays conquis, et les enfants des non-arabes, ils ont égaré, ils se sont égarés et ils ont égaré les gens. D'accord? Donc la personne, elle lit d'une manière naturelle. Elle ne cherche pas à en rajouter dans sa lecture, comme ils font certains lecteurs. D'accord? Il devient tout rouge comme un moustache. وقال ابن تيمية ابن القيم وغيرهما في تزيين الصوت بالقرآن هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب لا صرف الهمة إلى ما حجب به أكثر الناس بالوسوسة في خروج الحروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير المتوسط وشغله بالوصل والفصل. أيدي Ils disent que parmi les savants, Ibn Taymiyyah ibn Qayyim et d'autres, signifie que le fait de, d'embellir la voix avec le Coran, comme c'est demandé dans les hadiths, ça signifie quoi? Lire en embellissant sa voix, et en ayant le khushu', hein, en étant concentré dans la lecture, en passant à Allah Azza wa Jal, et en ayant le cœur présent lorsque la personne lit le Coran. C'est ça qui est sunna. C'est ça l'embellissement de la voix. Et il a rapporté un hadith d'Ibn Majah. Donc, Jabir radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna min ahsani nasi sawtan alladhi idha sami'tahu yaqra hasibtahu yakhshallah. Ibn Majah rapporte que Jabir a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Celui qui a la plus belle voix lorsqu'il lit le Coran, c'est celui que lorsqu'il lit, tu le sens qu'il craint Allah. Wa li Abi Daoud an Jabir qala kharaja alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي فقال اقرأوا فكل حسن وسجي وأقوام يقيمون كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة للرياء والمباهاة والشهرة والتأكل ويذهب الخشوع أيدي قال الخفاية صلى الله عليه وسلم إلى أبي جابر لغة القرآن Il y avait parmi nous, il a dit, il y avait l'arabe et le non-arabe, l'arabi et l'ajami. Il a dit, lisez tous, et tout ça est une bonne chose. Puis des gens vont venir, c'est-à-dire. Et il a dit ce qui signifie, si je cite le sens de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils porteront importance à quoi? Prêteront beaucoup d'importance à la lecture, c'est-à-dire à l'apparence de la lecture, d'accord? Tout cela pour être connu. Pour manger avec le Coran, et par contre, ils n'auront pas de khushu'. Ils n'auront pas de khushu'. Il a rapporté de Hudhayfa radiallahu anhu. Iqra'u al-Qur'an biluhuni al-Arab wa aswatiha wa iyyakum wa luhunu ahli al-kitab wa ahli al-fisq fa innahu sayaji'u min ba'di qawmun يرجعون بالقرآن ترجيع الرهبانية والنوح والغناء لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم قلوب الذين يعجبهم شأنهم سبحان الله إلى حذيفة إلى دي رضي الله عنه dans le livre de Fadail al-Quran de Abi Ubaid al-Qasim al-Sallam, il a dit, lisez le Coran de la manière des Arabes et avec leur voix. Et faites attention aux voix des gens du livre. Et aux gens du fisc, aux gens du péché. Il a dit, car il viendra un peuple après moi, qui liront le Coran, comme le lisaient les moines, comme on se fait la plainte, et comme des chansons. Il ne dépassera pas leur gorge, c'est-à-dire qu'il n'ira pas jusqu'à leur cœur, le Coran. Ils seront tentés, ils auront des cœurs maftouna, des cœurs pleins de fitna, de tentations. Et les gens à qui plaira leurs récitations seront aussi tentées et pleines de fitna. C'est rapporté de Hudhayfa. Je pense que c'est dans le livre d'Ibn Wadah, Al-Bid'a an-Nahya. Excusez-moi, je me suis éloigné un peu du sujet. De toute façon, on a presque fini. Il dit Ibn Qudama, rahimallah, par la suite, « Wa la yu'adhanu qabla l'awqati illa laha biqawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inna bilalan yu'adhinu bilaylin فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم هذا الحديث اخرجه البخاري Il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, et on ne fait l'adhan, on ne fait pas l'adhan avant l'heure de la salat, c'est-à-dire avant l'entrée de l'heure de la salat. Sauf pour le fajr. Sauf pour le fajr. Le premier adhan du fajr, il est bien avant l'heure de la salat. Première preuve, c'est l'ijma'a. Ibn Munzir rahimahullah il a dit, ajma'a ahlul ilmi, قال Ibn Munzir, ajma'a ahlul ilmi, ala anna min as-sunnati. أن يؤذنوا للصلاة بعد دخول وقتها أن يؤذنوا للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر ابن منذر رحمه الله يقول les ulama sont unanimes pour dire que la sunna c'est de ne faire l'adhan qu'après que l'heure de la salat soit rentrée sauf le fajr. Et dans le Bukhari, le hadith dans Sahih Bukhari numéro 622, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal, ce qui signifie Bilal fait l'adhan de nuit. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez l'adhan de Ibn Ummi Maktoum, le deuxième adhan. C'est la preuve qu'il y avait deux adhans. Un premier adhan, les gens ils faisaient le sahur, pendant le Ramadan particulièrement, et le deuxième adhan, et là, ils arrêtaient de manger. Il dit, Al-Bahab a dit le Maktoum dans l'explication de Ibn Fiqh, وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم يتنبه الناس ويتأهب إلى الخروج للصلاة وليس ذلك في غيرها. Et il dit, c'est seulement pour le fajr, pourquoi? Car c'est la salat, c'est un temps de sommeil, c'est pour que les gens se réveillent, se préparent, et qu'on puisse, et qu'ensuite au deuxième adhan, ils puissent aller à la mosquée, faire les rak'at sunnah, etc., etc. قال ابن قدامة في عمدة الفقه ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن et il est sunnah préférable que celui qui entend l'adhan répète ce qu'il entend le muadhin dire et il cite le hadith لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Ce hadith, il cite le hadith rapporté par Al-Bukhari au Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, lorsque vous entendez l'adhan, dites comme dit le mu'adhdhin. Dites comme dit le mu'adhdhin. Wa huna, intaha kitab al-adhan min 'umdat al-fiqh. Wa nadhkuru fa'idatan. Ici, le kitab, le livre de l'adhan de 'umdat al-fiqh est fini. On cite juste une mas'ala, on rajoute, inshallah, un hadith de son commentaire, un Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn Abi Sa'sa'a, un Abba Sa'id al-Khudri, qala lahu, inni araka tuhibbu al-ghanam wal-badiya, fa'idha kunta fi ghanamik au badiyatik, farfa'a sawtaka bin nida, fa'innahu la asma'u mada sawtil mu'addin jinnun wala ins, wala shay'un illa yashhadu lahu yawm al-qiyamah. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة يغبط كأبو سعيد الخدري أديا إن بخصل أديا سب بخصل الله بن أبي صعصعة اللي واجي je vois que tu aimes le troupeau et al-badia, c'est-à-dire la campagne, fait d'aller faire paître son troupeau dans la campagne. Il dit lorsque tu es au milieu de ton troupeau et dans la campagne, c'est-à-dire tout seul, fais l'adhan et élève ta voix. Car tout homme, ou djinn, ou toute chose qui entendra ta voix, témoignera pour toi le jour de la résurrection. Abu Sa'id dit, j'ai entendu cela du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Ahmed al-Bukhari. Par al-Shawkani, فيه دليل لمن قال باستحباب الأذان للمنفرد هو الراجح عند الشافعية في الأوطار الجزء الثاني صفحة 46. Al-Shawkani, rahimahullah, il a dit, ce hadith est une preuve de ceux qui ont dit qu'il est préférable de faire l'adhan, même pour la personne qui est tout seul. Wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa Muhammad, wa sahbihi ajma'in. Si vous voulez, je vous récapitule de manière résumée les six choses qui sont mustahab pour le mu'addin. Ça vous va? Fi sifat al-mustahabati fil mu'addin. أولا أن يكون عدلا أمينا les choses qui sont préférables, hein, mustahabba, qui sont recommandées pour le mu'adhin. La première, il faut qu'il soit digne de confiance. Thaniyan, an yakuna baligan aqila. La deuxième chose qui est mustahabba, qu'il soit pubère, doué de raison. Wasihu adhan as-sabi al-mumayyiz. Et il est le adhan de l'enfant qui fait la différence entre le bien et le mal, mumayyiz, est valable. D'accord? Ça, c'est la deuxième. Le traitement. Thalithan, an yakuna aliman bil awqat, yataharraha, fayu'adhinu fi awwaliha. Troisièmement, qu'il connaisse les horaires de la salat. Qu'il connaisse les horaires de la salat. Rabi'a, an yakuna sayyita. Quatrièmement, qu'il ait une voix forte. Sayyid, je ne savais pas trop comment le traduire. Certains ulama ils disent, dans certains livres, il est écrit, Ay qawiy as-sawt, qu'il a une voix forte. Qu'il a une voix forte. Yusmi an-nas, afin de faire entendre les gens. Khamisa, cinquièmement, an yakuna mutatahira min al-hadath al-asghar wal-akbar. Cinquièmement, qu'il soit pur. Pur, une pureté mineure ou majeure. Donc, qu'il soit mis en état de janaba, et qu'il est mieux, c'est qu'il est el-wudu, comme on a vu dans la parole de Abu Huraira, radiallahu anhu, radha. Sadisan, ayaj'al usbu'ayhi fi udunayhi. Wa yudir wajhahu ala yaminihi idha qala hayya ala salah, wa ala yasarihi idha qala hayya ala falah. Qu'il mette ses deux doigts dans ses oreilles. Et qu'il tourne son visage vers la droite lorsqu'il dit, le visage, lorsqu'il dit Hayya ala salah, Hayya ala salah, et qu'il tourne son visage vers la gauche lorsqu'il dit Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah. D'accord?